On va parler de NBA avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça Ça va? va bien, ça va bien. Pascal, au moment où on enregistre le podcast, on est à peu près à 1 heure du match entre le sixième match entre les Celtics et les Raptors. Question que je vais te poser, puis j'ai posé aux gens qui me suivent sur Facebook. Dans le match numéro 5, est-ce que c'est les Raptors qui ont pas sorti, ou c'est les Celtics qui ont sorti, ou c'est le mélange des deux? Moi, je pense que c'est un mélange des deux. Je suis d'accord avec toi, Danny. Je pense que dans le sport, tu as une équipe qui se pense prête, tu as une équipe qui est plus prête. Les meilleurs joueurs de Boston ont performé tout de suite du début. On a vu, je pense, c'est un des pires premiers quarts dans l'histoire des Raptors, donc 11 points. Fait que c'est un mélange des deux. Je pense que Boston a pas accepté, n'a pas avalé la défaite là, sur le tir phénoménal à 0,5 secondes à Anunoby. Donc, tu as deux choix. Soit que tu dis, OK, on n'est pas si bon que ça, ou soit tu dis, non, non, non, non, on est meilleur qu'eux autres, on va revenir, on va vraiment être prêt à jouer. Et c'était l'équipe qui était la plus près. Un peu décevant. Je suis quand même, tu sais, j'ai souvent critiqué Kyle Lowry, mais Kyle Lowry, il est prêt, il joue, il C'est performe. Pascal Siakam qui ne joue pas actuellement. Ben, Pascal Ibaka n'a pas vraiment connu un bon match. Adonobi, c'est pas une star, c'est un très, très bon joueur solide. Mais tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Je communique avec un des analystes en ce moment, mon ancien entraîneur, Stan Van Gundy. On s'est même parlé pendant le match. Et il était d'accord avec moi, Danny, quand j'ai dit, c'est là que la présence d'un Kawhi Leonard change la donne. Oui. Et je m'excuse, mais oui, une saison régulière, on est capable de jouer sans Kawhi. L'année passée, on a joué 22 matchs sans Kawhi, puis sans Kawhi, puis sans Kawhi. Il Mais était autour de l'équipe pareil. c'est là qu'un Kawhi fait la différence. Et c'est là qu'un Pascal Siakam, qu'on disait le next Kawhi, là, la prochaine star des Raptors, oui, c'est une star, saison régulière, mais dans les playoffs, il n'a pas fait ses preuves encore. Et je Non, pense que puis Kyle Lowry est tout seul. Pour moi, le meilleur Raptors, c'est Van Fleet, mais il ne faut pas oublier que Van Fleet, les deux premiers matchs étaient 0 en 18 de la 3 points, là. Fait que c'est là que Kawhi. C'est là que, pour moi, c'est là la différence. Écoute, il était complètement bof. Moi, ce soir, je m'attends à une série. Je pense qu'ils vont mieux sortir ce soir. Je m'attends que ça va aller à la limite. Moi, j'ai dit Celtics en 7, mais c'est pas juste ça de la Ben, je même. suis d'accord avec Ils toi. peuvent. Moi, je voyais Boston, je voyais Toronto passer à travers Boston, mais je serais pas surpris, moi, que Boston finisse la série ce soir. Ah ouais, ok, tant que ça, ok, c'est bon. Tant que ça, ouais. Ok, moi je pense que les Parce Raptors qu'en sont mieux passant, Serge sortis. Ibaka risque de ne pas jouer. Ben, je viens d'avoir une notification, il va jouer finalement. OK. Mais est-ce ESPN qu'il est vient à 100%? d'annoncer que. ESPN vient Est-ce qu'il est à d'annoncer. 100%? Ça, c'est sûr que non, là. Mais Exact. ESPN vient d'annoncer qu'il sera en uniforme ce soir. Je m'attends quand même à, c'est, je m'attends quand même à une série qui va être poussée à la limite. Ailleurs, maintenant, dans les autres matchs. Écoute, les Bucks de Milwaukee, l'absence de Greek Freak a vraiment paru, hein. Ben écoute, C'est plus la même équipe partout. même avec lui, Miami a démontré comment qu'ils étaient forts mentalement, comment qu'ils étaient prêts à jouer. C'est toute une équipe, ils sont jeunes. Okay, à part Jimmy Butler, c'est tous des gars en bas de 30 ans. Ben Jimmy Butler et Goran Dragic, c'est un joueur, un meneur très spectaculaire, très expérimenté. C'est le meneur de son pays, la Slovénie, je me trompe pas, avec Luka Doncic. C'est toute une équipe. Eric Spoelstra, il y en a vu beaucoup. Et Miami avec Pat Riley, ça a toujours été une équipe très défensive, très disciplinée. Ils l'ont démontré dans cette série-là. Et avec Jimmy Butler, qui se pense le meilleur joueur sur la planète à chaque fois qu'il est sur un terrain de basket, l'équipe a suivi avec lui. Et puis, il ne faut pas oublier Danny, ils ont très bien lancé de la 3 points avec des jeunes joueurs, dont Tyler Hero. Écoute, je suis pas surpris. Puis avec un Giannis blessé à la cheville qui n'a pas joué, dommage. Là, il y a beaucoup de questions à Milwaukee. Et la question numéro un, Danny, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que Kawhi va faire? Est-ce qu'il va rester signé à long terme Greek ou qu'il Freak, tu veux dire. Ben là, va lui, c'est être en free? 2021, Giannis. lui, hein, je pense qu'il devient joueur autonome. Ouais, mais c'est une saison qui fait mal. Ok. Il y a des rumeurs en passant vite de même, il l'a envoyé à Toronto à cause évidemment, avec la présence de Masai Ujiri. Est-ce que tu crois à ça que Greek Freak pourrait s'en venir à Toronto? Moi, là, je pense qu'il va re-signer. C'est un Européen. Ils ont une loyauté différente que les Américains. Je dis ça avec beaucoup de respect pour les Américains, mais je pense que le Greek Freak a sa famille à Milwaukee. Je ne serais pas surpris, moi, qu'il signe peut-être un contrat, mettons, de 3 ans. Et puis, on verra après, mais je pense qu'il va rester encore. Il va donner une chance à Milwaukee. OK. Donc, on va suivre ça de très, très près. Ailleurs, l'autre match qui va avoir lieu ce soir, les Clippers contre le meilleur joueur canadien de loin, Jamal Murray. C'est 2-1 pour les Clippers. Ouais, ben, je veux dire, Kawhi, toute une performance au dernier match, défensive. Il commence à bien geler. Il ne performe pas aussi bien que je m'attendrais en ce temps-ci d'année, mais c'est trop pour Denver. Jokic, qui était aussi, on n'était pas sûr si c'était pour jouer ou non, a connu un très bon match, 32 points. Jamal, on a mis beaucoup plus de pression avec des Paul George puis des Kawhi Leonard défensivement, là. Si Denver perd le match ce soir, c'est probablement fini. Mais je vois les Clippers et puis les Lakers donner pas plus qu'un match et ce sera les deux équipes qu'on va voir en finale de l'Ouest. OK. Presque à 100%. Mais Houston, c'est 2-1 en série pour les Rockets? C'est 2-1 pour les Lakers. Les Lakers, OK, excusez-moi. Les Lakers ont gagné le match hier soir. Ils ont perdu le premier match, ils ont gagné le match hier soir. Très belles. J'ai aimé beaucoup les ajustements défensifs de Frank Vogel. Et non seulement des ajustements défensifs, mais on a décidé de jouer. Tu sais, Danny, comment que les Rockets jouent avec des 5 joueurs, petits joueurs à l'extérieur. Des fois, ils ont un joueur de 6 pieds 7 comme centre avec Tucker. Mais tout le monde prend des tirs de 3 points. Covington, 6 pieds 8, prend des tirs de 3 points. Et on a décidé de ne pas faire jouer Dwight Howard. Okay. Et la surprise pour moi dans cette série-là, c'est un retour pour les fans des Lakers. C'est Rajon Rondo qui est revenu. Et lui fait la différence dans cette série-là. On est capable de rester beaucoup plus petit. Donc, on voit beaucoup Rondo avoir beaucoup plus de temps de jeu avec LeBron et Anthony Davis qui joue normalement power forward avec JaVale McGee ou Dwight Howard. C'est lui qui se retrouve en 5. Et il n'y a personne du côté de Houston défensivement qui peut jouer contre Anthony Davis. Et puis là, je n'ai même pas parlé de LeBron James. Fait qu'imagine-toi que je pense que cette série-là, un match, une victoire pour Houston, peut-être deux, mais je vois pas ça aller en 7 matchs. Okay. C'est de valeur que cette série entre les Lakers et les Clippers n'aura pas lieu à Los Angeles, si jamais ça arrive. Ouais. Je trouve ça vraiment dommage. Pascal, la nouvelle de la semaine, c'est Steve Nash qui est rendu avec les Nets de Brooklyn. Est-ce que Steve Nash qui n'a aucune expérience du coaching dans la NBA, est-ce que tu... Je suis pas d'accord avec toi. Okay. Pourquoi je dis ça, Danny, c'est que Steve Nash a grandi dans la NBA après ses années à Santa Clara. Steve Nash est assistant consultant depuis 2015 avec les Warriors. Okay. A travaillé personnellement avec Steph Curry, Klay Thompson et qui? Kevin Durant, qui est à Brooklyn. Kevin Durant. Moi, je pense que c'est la raison majeure. L'autre raison, c'est que Steve Nash, qui a été 2 fois joueur de l'année dans la NBA, comme meneur, quelle meilleure personne pour gérer, aider et Kyrie Irving respecte pas les joueurs de ce niveau-là qui vont. T'as pas le choix de respecter un joueur comme Steve Nash. Et moi, j'ai à 100% confiance en lui comme entraîneur. Écoute, tous les meneurs sont capables d'être entraîneurs dans la NBA. Maintenant, si Steve Nash avait pris un programme universitaire, puis le recrutement, puis ces choses-là, c'est une autre histoire. Mais Steve Nash connaît bien mieux la NBA que presque n'importe quel entraîneur universitaire qui n'a pas coaché dans la NBA. Je suis très content. J'ai côtoyé Steve Nash quand il était plus jeune, tout ça, je le connais un petit peu. Fait que je suis vraiment content pour lui. J'ai même envoyé un texto à son meilleur ami, qui est Rowan Barrett, en disant: t'es chanceux, ton meilleur ami est à Brooklyn puis ton fils est à New York. Vraiment, là, ouais. On va pouvoir se promener entre les deux places. Fait que, ouais. Mais non, moi, je pense que c'est très bon. Et pour Kevin Durant et Kyrie Irving, là, c'est une décision d'équipe, propriétaire, directeur général qui fait énormément de sens pour moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, l'histoire des joueurs, des MVP, il y a quand même une histoire. Là. C'est Basket USA qui a fait ça. Magic Johnson, mm-hmm. ça n'a pas été un grand succès. Larry Bird, ça n'a pas été un grand succès. Bill Russell, ça n'a pas été un grand succès. Bill Russell, il a gagné un championnat NBA comme joueur head coach en passant. OK, mais on dit que ça n'a pas été un grand succès. Pour moi, qu'est-ce qui n'est pas un grand succès si tu gagnes? Magic, on le sait. Larry Bird, on le sait. Ouais. OK. C'est Magic, puis Michael, c'est même pas essayé. Kobe n'aurait pas été un bon entraîneur. Magic est arrivé. Il voulait que les joueurs soient comme lui. C'est pas la même chose. Moi, je pense que Steve Nash, avec cette génération-là, avec ce style-là. Puis Magic est devenu head coach, mais il n'a pas fait ce que Steve Nash a fait pendant 5-6 pendant les dates. Tu sais, il était un consultant, il était dans les boardrooms, il était dans les discussions du repêchage, il était dans les discussions du style de jeu avec Steve Kerr. Steve Kerr, en passant, ancien joueur, peut-être pas MVP, mais ancien joueur. Fait que moi, là, j'ai si un MVP peut être, puis Steve Nash n'a pas l'ego de Jordan ou de Kobe ou de Magic, tu sais, ou de Larry Bird, il n'a pas cet ego-là, tu comprends? Ouais. Et moi, je pense que ça va fonctionner très bien à Brooklyn. Mais en tout cas, Asiah Thomas également, je pense que c'est déjà essayé comme entraîneur, si je ne m'abuse. Hein? Ben, il était peut-être meilleur comme entraîneur que comme directeur général. Les Raptors, comment c'était le premier directeur général des Raptors, comment que ça a été. Mais c'était un nom à l'époque qu'on l'a essayé à Toronto. C'est souvent des noms. Ouais. Mais Nash, il y a une raison pour qu'on va le chercher, puis moi je suis à 100% d'accord avec ça. OK. Puis d'ailleurs, puisqu'on disait ça, est-ce que la venue de Kevin Durant et Kerry Irving ont fait en sorte que c'est Steve Nash? Puisque je voyais qu'il aurait poussé fort, semble-t-il, pour que Nash. Moi, je pense que Steve Nash était le choix unanime de Kevin Durant. Comme j'ai mentionné tantôt, il a travaillé personnellement avec Kevin Durant, avec les Warriors. Et Kyrie Irving, ça a été une vente facile, là, de dire est-ce qu'on amène Tyronn Lue, est-ce qu'on amène, je sais pas moi, Mike Woodson, est-ce qu'on va chercher. Moi, je pense que Steve Nash. Tu sais, j'aime ça voir des. Nick Nurse est arrivé presque de nulle part, puis regarde ce qu'il a fait. Imaginatif, le basket, là, en ce moment, l'entraîneur, là, ose beaucoup. Ils ont moins peur de faire des choses que dans le passé, à cause d'un Nick Nurse. Ah, c'est sûr. Pascal, dernier point que j'ai tenu, LeBron James, qui a été le plus grand entraîneur, qui a le plus de victoires dans la NBA. Est-ce qu'on peut dire. Dans les séries, oui. Est-ce qu'on peut dire que. Qu'est-ce que. Vu que là, c'est pas encore l'heure de la retraite, mais est-ce que LeBron. LeBron, à la fin de sa carrière, on va pouvoir dire que c'est le plus grand winner. C'est sûr que le titre est là, mais Jordan, le reste que Jordan, ça saute toujours un débat, hein? Tu sais, Danny, ça va toujours être un débat, dépendamment dans quel camp tu es. Est-ce que tu votes pour un, est-ce que tu votes pour l'autre? Moi, je pense que LeBron James, a surpassé. Michael a pris le monde par surprise. Michael est arrivé dans une période de transition mondiale. La NBA est devenue mondiale. Le début, je pourrais même dire presque l'Internet. Les Olympiques de 92 où les pros ont pu assister. Michael est arrivé. Le timing de Michael au niveau... Je pense que c'est le premier athlète noir à avoir une commandite nationale. Tu sais, Mohamed Ali, il y avait des choses locales, mais nationales. Michael est arrivé dans et avec David Stern qui a vraiment vendu la NBA au niveau des médias, au niveau global. LeBron James est arrivé à 16 ans, 17 ans sur la couverture de Sports Illustrated comme étant le prochain. Et sais-tu quoi? C'est un des rares dans n'importe quel sport qu'on dit à 15, 16, 17 ans, t'es le prochain. Et tu surpasses même qu'est-ce que t'as fait. Pour moi, le championnat qu'il a gagné à Cleveland à son retour, ça en vaut 2-3 championnats. C'est vraiment phénoménal de faire ce qu'il a fait. C'est toute une carrière. Moi, je suis un Jordan fini. Kareem, on l'oublie souvent puis parce que c'est un centre, parce que politiquement, c'était différent. Il parlait pas aux médias. On n'a pas une belle image de Curry, mais c'est phénoménal sa carrière dans la NBA. Il ne faut pas l'oublier. Mais pour moi, LeBron James, avec tout ce qu'il a fait avec les médias sociaux maintenant, c'est probablement le deuxième plus grand joueur de l'histoire de la NBA pour moi, après Michael Jordan. C'est clair. Jordan avant James. Ça, c'est moi, Danny. Il y a beaucoup de gens qui vont mettre LeBron avant Jordan. Il y a des époques différentes aussi. Il y a des époques différentes. Pascal, un gros merci en espérant une victoire des Raptors. Sinon, lundi, la semaine prochaine, on va se parler de la... Absolument. On devrait s'approcher des finales de chaque conférence. Hey, question vite demain, on va élaborer davantage. Si les Raptors perdent, est-ce que c'est le début d'un ménage? Kyle Lowry, 34 ans, Mark Gasol vieillit aussi. Mark Gasol ne sera pas de retour l'année prochaine. Van Fleet mérite d'être le leader de cette équipe-là. Kyle Lowry risque... on lui a donné un contrat pour y faire plaisir, pour lui dire merci. Mais je pense que c'est fini à Toronto après cette année, surtout si c'est fini aujourd'hui ou dans les 2 prochains jours. OK. On s'en parle de toute façon, on fait le bilan de tout ça, advenant une défaite des Raptors. Et en passant, le joueur que les autres équipes veulent le plus, c'est pas Pascal Siakam, mais c'est probablement OG Anunoby. Ah, c'est la carte cachée. La carte cachée. Oui, effectivement. Pascal Jobin, gros merci, on s'en parle bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Pascal Jobin.